Zone libre. La libre antenne ouverte à tous et à tous les sujets. Vous avez lu le dernier Astérix ? Oui. Et ? C'est nul. Carrément ? Oui. Pourquoi ? Je sais pas, ça m'a vraiment pas amusé, quoi. Vous trouvez que c'est plus dans l'esprit de Astérix comme c'était avant, ou alors il y a un problème avec le dessin ou... Non, enfin, peut-être que j'ai plus l'âge pour lire Astérix non plus, hein, j'en sais rien, mais non, j'ai pas aimé. Je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment d'histoire, enfin que c'était un peu trop tiré par les cheveux. Oui, peut-être parce que c'est plus dans l'esprit Astérix, effectivement. Vous trouvez qu'une série doit continuer malgré que l'auteur ou le dessinateur soit disparu ou parti pour... Le problème, c'est qu'il n'y a pas de scénario convenable là-dedans. Je veux dire, ils pouvaient très bien continuer la série, même si l'autre a disparu, mais faire quelque chose quand même d'un peu intelligent, quoi. Comme si, enfin, je dis pas que les Astérix étaient hyper intelligents avant, mais quand même, c'était plus recherché. Ici, il n'y a rien là-dedans, c'est vide. Enfin, moi, c'est ce que je pense, mais... Donc, une grosse arnaque, en quelque sorte. Oh, oui, complètement, oui. Absolument. Il y a des tas de livres pour l'instant avec lesquels c'est comme ça. Hein, c'est... Lesquels ? Non, pas de l'arnaque forcément, mais je veux dire, maintenant, le livre est devenu extrêmement médiatisé, donc les gens viennent acheter un livre parce que c'est à la mode, parce qu'il vient de sortir... Et parce qu'on dit que c'est bien, et à la limite, ce ne sont que des actions commerciales, le Da Vinci Code, le Harry Potter. Enfin, je veux dire, tout d'un coup, tout le monde sait ce que c'est la lecture, alors que, en fait, ça fait 20 ans que moi je travaille dans les bouquins, ça n'a pas toujours été le cas, quoi. Donc, voilà. Vous trouvez que c'est bien de continuer ce genre de choses ? Ce genre de série ? Par exemple, il y a eu Blake Mortimer, il y a les Bugs Dany qui ont été repris, il y a Spirou qui a été un... Repris aussi par différents oui, auteurs. Moi, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise. Il n'y a pas de raison qu'il faille arrêter quelque chose parce qu'un des auteurs n'est plus là. Mais alors, rester dans l'esprit, l'optique et faire quelque chose de chouette, quoi. Il n'y a pas de raison. Pas seulement pour vendre, quoi. Que ce soit sympa quand on l'achète de le lire. 070-233-622. Au tempora au mores, comme disaient les latins. Tiens, il y a encore un personnage dont on n'a pas du tout parlé. Lucky Luke. Quand Goscinny s'en va, Maurice aussi est orphelin de son scénariste. Pas question d'arrêter Lucky Luke. Et à l'inverse du Derzo, Maurice a fait le choix d'essayer de trouver d'autres scénaristes avec des résultats, on va dire, mi-figue, mi-raisin, mais quand même parfois de jolies petites réussites. Hein. Sarah Bernard, scénarisée par Liturgie, c'était quand même pas trop mal. Mais évidemment, bon, n'est pas Goscinny qui veut, c'est clair. Et puis au niveau information, récente reprise, Boule et Bill. C'est reparti pour un nouveau tour. Cubitus. Puisque Dupin, ça c'est chouette, hein. Dupin a disparu et Cubitus revient vraiment dans l'esprit de Dupin. Boule et Bill aussi, c'est assez fidèle à l'esprit. Disons que les baskets 60s ont été modifiées au profit de godasses un peu plus modernes. On verra ce que ça donne. Mais toi, Jacques, qui est vraiment un fan de BD, de SF, etc., est-ce que ça t'arrive ? Est-ce que tu aimes de regarder des adaptations aussi cinéma, par exemple. Bande dessinée adaptée au cinéma. Oui, par exemple, Astérix, qui a cartonné, peut-être pas autant. Quelle horreur. Quelle horreur. Et le Blueberry au cinéma, Yann Koonen, Je ne sais pas si tu es au courant, mais pour le troisième volet, pour le troisième Astérix qui va sortir l'année prochaine, si je ne m'abuse, figure-toi que Christian Clavier va céder sa place à Danny Boone, le ch'timi. Qui va s'y coller, et donc c'est Danny Boone qui jouera le rôle d'Astérix dans le troisième film. D'accord, ce sera pas Benoît Poulvord dans le rôle d'Obélix, non ? Ah, qui sait, parce qu'on parle beaucoup de Benoît Poulvord. On sait jamais. Donc voilà. Moi, Après Claude François, pourquoi pas Obélix ? Non. La tactique des reprises, comme on dit, de la perpétuation des héros, c'est toujours d'actualité, puisque Cubitus et Boule et Bill remontent au front. Et puis, avis de Jérôme de Liège, personnellement, je ne lis plus Astérix depuis la disparition de Goscinny, simplement parce que c'est devenu mauvais. J'ai essayé, mais les histoires sont farfelues et ne tiennent plus la route. Goscinny est un des plus grands scénaristes de tous les temps. Il est effectivement difficile à remplacer. Mais dans le cas d'Astérix, chaque histoire étant indépendante, libre à chacun d'arrêter sa série quand bon lui semble. Un autre cas est celui de Van Hamme, excellent scénariste lui aussi, mais qui pour moi rallonge inutilement la sauce, notamment dans sa série 13. Malgré son talent, on sent qu'il aurait dû stopper cette série depuis longtemps, au lieu de se perdre dans d'incessants développements inutiles. Un scénariste scénariste génial doit bien sûr savoir écrire, passionner le lecteur, mais aussi s'arrêter quand il est à court d'idées pour mieux entamer un nouveau projet. Malheureusement, il est sûrement parfois plus simple et financièrement plus rentable de prendre le lecteur en otage. En effet, il est difficile quand on a commencé la série de s'arrêter avant le trop longtemps attendu dénouement. Précisons en ce qui concerne Vanhem que Vanhem a décidé de sabrer solidement dans sa carrière, donc 13 encore en volume et puis ce sera fini. Si Vance a envie de continuer qu'un autre scénariste, il a le droit. Et Vanhem arrête aussi de scénariser Torgal pour justement se lancer dans de nouvelles aventures. 070-233-622-www.purefm.be 3065 pour vos SMS. Zone libre. La libre antenne ouverte à tous et à tous les sujets. Est-ce que vous êtes lecteur de BD ? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non ? Non. Non plus ? Vous avez entendu parler du dernier Astérix ? Entendu parler seulement. Oui. Ouais. Et les échos que vous en avez eu parmi vos copains ? Très commercial. Ouais, voilà. Pas dans le tri. Pas du tout, quoi. Non. Ok. Est-ce que vous trouvez normal de continuer une bande dessinée alors que l'auteur ou le dessinateur soit parti ou soit mort ? Ouais, pas vraiment, non. Enfin, moi, surtout quand on ne le continue pas dans la lignée, dans l'esprit. Donc pour toi, par exemple, un Black et Mortimer ou un Bug Dany ou un Spirou, par exemple, ça pourrait pas ? Ça dépend. Par exemple, Spirou, ils ont gardé assez l'esprit Spirou. Black et Mortimer, moins. Et, Astérix, plus du tout. Donc c'est vraiment du concept commercial, quoi. Là, oui. Ah, ils s'en cachent pas, en plus. Zone libre. 070-233-622. Ah, Denis, toujours à poser les mêmes questions, et finalement, quand même, assez... Enfin, il y a pas vraiment de controverse, hein, ici. C'est toujours un peu la réponse. Soit c'est mauvais, soit on l'a pas lu, mais on n'a pas trop envie de le lire, parce qu'on a entendu dire que c'était mauvais. Voilà. Donc c'est entre mauvais et très mauvais. Bon, ça, chacun fait à sa mode, hein. Si on a envie de dépenser ses sous pour aller vérifier que c'est mauvais, enfin, quoi que dans une grande surface, on peut consulter, comme on dit. Bon. Surtout si on n'est pas plus haut que trois pommes. Autant dépenser son argent à manger un sanglier, hein. Alors, Quentin, correction, Danny Beaune, aux dernières nouvelles, ne sera pas Astérix dans le troisième film, ce serait plutôt Clovis Cornillac, acteur un peu méconnu qui joue actuellement dans Les Chevaliers du Ciel. Mais Michel Drucker m'a menti, alors. C'est ce qu'il a dit l'autre jour. Tant pis. Et puis Alexandre de Liège, rassurons-nous, il paraît qu'il s'agit bien là du dernier Astérix, last and least. Il fait mentir le proverbe bien connu qu'il est difficile de continuer une œuvre. On citera l'exemple de Charlier qui, sans Hubinon, a réussi à continuer à faire vivre Bug Dany, bien que la série, sans doute aussi du fait de la perte de prestige énorme de l'armée US pour les raisons que nous connaissons, ne connaît sans doute plus le même succès qu'autrefois, Charlier étant décédé entre-temps. Ben là, on est dans l'autre cas de figure, en fait. Le scénariste est encore vivant, c'est le dessinateur qui a disparu. Et effectivement, on constate à l'usage qu'à ce moment-là, la série peut continuer. Bon, on va pas dire que les dessinateurs sont plus interchangeables que les scénaristes, mais quand même, dans le cas de certains grands scénaristes qui insufflent un esprit, ben, si le scénariste est encore vivant, il peut piocher dans le réservoir des jeunes talents et se dire que, ok, on continue. Alexandre, qui nous dit encore ceci, dans le cas d'Astérix, la série avait perdu beaucoup de son intérêt depuis la disparition de Goscinny. Toutefois, Le Grand Fossé ou l'Odyssée d'Astérix restent des albums corrects qui ne font pas honte à la série. Par contre, ce coup-ci, c'est la Bérésina, la galère d'Obélix et autres Traviata ne volait déjà guère haut, mais pour le coup, le ciel nous est vraiment tombé sur la tête. Le pire serait une adaptation par Zidi de cet album, j'ose à peine imaginer le résultat. Un mélange de gendarmes et des extraterrestres, malgré tout le respect que je dois à Louis de Funès, et des bidasses en folie. Bon, je vais relire Astérix et les Jeux Olympiques et essayer d'oublier tout ça. Alexandre, merci. Waouh, il est génial. Un mélange de gendarmes et des extraterrestres et des bidasses en folie. Oui, Alex. Mais nous avons notre cher et tendre ami, monsieur Hugues Daillé, bonsoir. Celui par qui le scandale arrive. Bonsoir les amis. Bon, je suis désolé de n'être que par téléphone, je vous aurais volontiers rejoint, mais très honnêtement, je ne dis pas que j'ai un emploi du temps de ministre, mais c'est vrai que c'est un peu difficile pour l'instant. Mais je suis ravi d'être avec vous malgré tout par téléphone interposé. Alors Hugues, donc entendu, enfin celui par qui le scandale arrive, en fait c'est vrai que médiatiquement parlant, c'est quand même Hugues Daillé qui se retrouve sur un plateau télé en France. Mais oui, ce qui s'est passé, Jacques, en fait, c'est que, bon, moi, j'ai eu simplement un instinct primaire de journaliste. Et quand on me dit embargo et embargo commercial, je me dis ben c'est idiot. À partir du moment où l'album est en vente un vendredi à 10h du matin dans les librairies, mais forcément les libraires le reçoivent la veille. Et donc j'ai fait ce que j'ai l'impression que beaucoup de confrères auraient pu faire. J'ai passé quelques coups de fil à quelques complices libraires, et je dois vous avouer du tout, sans les citer, qu'il y a facilement deux ou trois qui étaient prêts à rompre cet embargo et à me filer l'album sous le comptoir. Ce qui s'est passé jeudi, et forcément comme ça se lit à peu près en 20 minutes en un trajet de tram, mais dès 17h30... historiquement dans le journal de Vivacité, et dès 18h dans le journal de la Première, qui est je pense repris sur d'autres chaînes, mais il y avait une critique de l'album. Et donc forcément, vous savez bien que les dépêches, bon, il y a eu des dépêches de l'agence France Presse qui ont repris qui ont fait un collage de plusieurs critiques, et forcément les premiers qui s'étaient exprimés étaient les plus souvent repris, et donc ça a fait boule de neige, et ma critique négative a été reprise, et voilà, et ceci explique cela. Donc je pense que c'est bien simplement un phénomène d'antériorité, un phénomène de scoop entre guillemets qui a joué, quoi. Alors en France, puisqu'en France Astérix est considéré comme faisant partie du patrimoine national, est-ce qu'il y a des réactions du lectorat un peu comparables à celles ici? Parce que ici c'est clair que depuis deux soirs, c'est soit je l'ai lu et je trouve ça mauvais, soit on m'a dit que c'est mauvais et je l'achèterai pas. J'ai surtout regardé les forums consacrés à la bande dessinée, où je constate effectivement que c'est majoritairement très très très négatif, et qu'il y a quelques lecteurs qui se font l'avocat du diable, mais la plupart du temps c'est toujours pour défendre la vivacité du dessin de Uderzo. Et c'est vrai que à près de 80 ans, quand on regarde simplement les dessins, puisqu'il assure encore tous les crayonnés de la série jusqu'à la dernière brique du dernier de la dernière maison du village, ce qui est rare puisque souvent des dessinateurs délèguent pour les décors. Bon, il assure le crayonné pour des questions de problèmes à la main, il n'a plus la souplesse nécessaire pour ancrer au pinceau, donc il délègue l'ancrage. Mais ça, c'est depuis de nombreux albums. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un respect du dessin. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir la patte qu'il conserve encore pour les personnages principaux. Je n'en dirai pas autant de ses nouvelles créations, savoir les extraterrestres et même la caricature de Schwarzenegger, qui m'apparaît, les deux m'apparaissent assez ringards. Mais, je veux dire, une fois pour toutes, on n'attaque pas le dessin de Uderzo. Et c'est vrai qu'il y a toute une espèce de malaise en France, parce que Uderzo, quelque part, il a un petit peu le profil de l'honnête artisan qui est toujours resté assez discret, qui est une sorte de self-made man, immigré italien, qui s'est fait tout seul à la sueur du poignet en dessinant des milliers de planches, parce qu'il a quand même travaillé de manière hallucinante pendant sa carrière. Bon, donc il y a malgré tout un certain malaise, parce qu'il y a un certain respect de l'homme. Moi, une fois encore, je n'attaque pas l'homme, j'ai plus envie, très honnêtement, Jacques, j'ai plus envie d'attaquer l'entourage. Parce que Uderzo n'ait plus d'idée ou ait une mauvaise idée qu'il considère comme une trouvaille, mais il faudrait que, aux éditions Albert René, qu'on lui tapote gentiment sur l'épaule et lui dire « Albert, tu as une idée, mais ce n'est pas une bonne idée. » Et ça, il n'y a rigoureusement personne qui a eu le courage de le faire. Visiblement, que ce soit les encreux, les coloristes, les assistants ou son beau-fils Bernard de Choisy qui assure la destinée de la maison d'édition, tout le monde est tellement content d'avoir du boulot et de voir le chiffre magique de 8 millions d'exemplaires que tout le monde a agi comme un seul homme et a été derrière cet album, ce qui était à mon sens une grave erreur, parce qu'on est vraiment devant un, pour moi, une sorte de, pas de bide, mais de suicide artistique tout à fait historique. Je ne connais aucune série de bande dessinée qui est à ce point rompu la tradition et le mythe avec quelque chose d'aussi faiblard, d'aussi poussif, d'aussi déprimant et d'aussi triste fondamentalement. Je veux dire que ce soit de Tintin au Picaros et le Picaros en passant par les énièmes succès d'année de Blake et Mortimer, on n'a rien d'aussi pathétiquement mauvais. À mon sens, on est vraiment dans quelque chose. Là, on a franchi le seuil dans toute l'histoire des reprises. On a vraiment franchi un seuil assez historique. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, Tata chez les Picaros décevait déjà énormément par rapport à l'oreille cassée, par exemple. Oui, oui. Mais ça restait quand même. Ça restait du RG. Et puis voilà. C'était. Il faut se rappeler. passé dans l'école, c'est dans l'époque, on était en 76, et à l'époque, Hergé, comme Jacobs, étaient considérés comme des ringards définitifs, il faut bien se le dire. On était dans, en pleine explosion de la bande dessinée adulte, on était un petit peu dans la génération du magazine. Tardy, Moebius, Bilal... Oui, Tardy, Moebius, Bilal, exactement. On était dans une bande dessinée de gauche, une bande dessinée politique, et le message de Hergé apparaissait comme encore quasi réactionnaire, et c'est vrai que graphiquement, l'album n'était pas à la hauteur des précédents. Et c'est assez étonnant de voir combien Hergé et Jacobs post-mortem ont été complètement réévalués de manière hallucinante. Mais il y a un autre truc intéressant à propos d'Hergé. Bon, c'est quand même le seul exemple d'une œuvre parfaitement close où il n'y a pas de follow-up, enfin il n'y a pas de reprise de par la volonté d'Hergé lui-même. Et c'est quand même l'œuvre de bande dessinée qui a généré le plus de bouquins autour de l'œuvre. Uderzo, on dit, bon, il y a le chiffre, ça fait, je ne sais plus, 300 millions d'albums, là où Hergé fait 150 millions, donc Uderzo, enfin, Astérix, c'est le best-seller absolu, mais qu'est-ce que vous avez comme littérature autour d'Astérix ? Pas grand-chose. On a des biographies intéressantes de Goscinny, mais fondamentalement, Astérix, c'est plus un parc Astérix, des verres à moutarde et du merchandising, mais ça ne génère pas toute cette espèce de littérature que génère le mythe Tintin. Et c'est ça qui est intéressant à observer, et je crois que c'est un petit peu lié au fait que Hergé, c'est vraiment une œuvre close, c'est une œuvre, je dis pas parfaite, mais en attendant, qui n'a pas comme ça de connu de baisse de régime, d'espèces d'ersatz post-mortem, et grâce à ça, mais on, bon, c'est une série qui vieillit, c'est une série datée, mais en même temps qui est entrée quelque part dans le corpus de la littérature et des mythes du XXe siècle. Mmh. Semble-t-il, hein. Bah oui, tout à fait, et on aimerait bien qu'un jour il arrive la même chose à Franquin, d'ailleurs, qu'il y ait aussi beaucoup de littérature autour de Franquin. Mais ça commence tout doucement, hein, Marsu Productions, qui sont pas mal de bouquins. Oui, ce sont des albums chers, mais ce sont des albums beaux et qui ont au moins le mérite de revenir à l'œuvre originale. Cela dit, Franquin, ben, vous l'avez rencontré comme moi, Jacques, moi je lui avais posé la question de but en blanc, quid de Gaston, ben, il avait dit, ben, Gaston, un petit peu comme Hergé, Tata c'est moi, ben, Gaston c'est moi, et je ne serais pas très enclin à une reprise. Cela dit, ayons quand même peur, parce que ça relève du vœu pieux, et je ne suis pas certain que ce soit couché dans un testament, et il n'est pas exclu, mais là, bon, ne tirons pas des plans sur la comète, mais il n'est pas exclu qu'on puisse imaginer un revival de Gaston, ce qui, à mon sens, serait aussi la pire des choses, parce que c'est une œuvre aussi très datée et très située dans les années 60 et 70. Hugues, en tout cas, ben, merci beaucoup pour ces commentaires. Oh, mais c'est un plaisir, mon cher Jacques. De toute façon, on se retrouve demain, puisque là, c'est l'inverse. Vous venez nous annoncer le nouveau thème de la zone libre dans 5 heures. Exactement. Thème qui sera, ben, tant qu'on y est, la forêt, hein, puisque. Ben, mais pas donc, la forêt de Champignac. Hein. Les promenades automnales, évidemment. Hein, c'est quand même le meilleur moment de l'année, quand même. L'automne pour la forêt, et la forêt pose beaucoup de problèmes, puisque ben, on peut plus s'y aventurer exactement comme on veut. Les scouts en savent quelque chose. Il y a aussi toute la question de pollution, de motorisation ou d'interdiction. De la moto et autres 4x4. Dans les forêts, il y a l'ouverture de la chasse. Faut-il fermer certaines parties de forêt aux utilisateurs pour permettre à la nature de se régénérer? Bref, a-t-on encore vraiment un libre accès à la forêt? Et puis, comment concilier aussi les différents types d'usagers, puisqu'évidemment, le promeneur silencieux ne commet pas les mêmes dégâts que d'autres personnes, quoi. Bon, ce sera ça. Là, vous avez un scoop, hein, Hugues. Oui, là, vous êtes en avance sur Rudy pour demain. Eh bien, à la limite, comme ça, je suis un petit peu informé pour demain après-midi. D'accord. La forêt. Et c'est craché géré, on fera une zone libre sur Francorchamps, parce qu'on nous l'a demandé plusieurs fois. Un de ces quatre, ça risque d'être vous politiquement n'avez chaud. Rien, mon cher Jacques, vous n'avez peur de rien. Bah non. Hugues, en tout cas, merci. Et puis, ultime courriel, Christian, petite réflexion en passant, le boulot d'un éditeur est tout de même de vendre des livres, le meilleur moyen de les vendre est encore d'en faire de bons. J'imagine mal un éditeur sortir volontairement du concept commercial mauvais tout de go. Finalement, personne n'oblige les gens à l'acheter ce livre. Si, quant à Goscinny et Uderzo, je ne pense pas que les dessinateurs de leur génération dessinaient pour révolutionner le genre ou faire de l'art. C'était un boulot sympa, pas une dette envers le monde de l'art. Maintenant que la plupart des magazines ont disparu, les reprises permettent aux jeunes de faire leurs armes, d'être confrontés à la réalité du boulot. Ben oui, c'est vrai que à l'époque des grands classiques, la plupart des dessinateurs se vivaient eux-mêmes, non pas comme des artistes, mais comme des artisans. Ils se vivaient aussi comme des artistes frustrés, voire Paul Cuvelier et d'autres, ou Jigé, qui sur le côté s'adonnaient par exemple à la peinture, mais eux ne considéraient pas que faire de la bande dessinée relevait d'une expression artistique, mais plutôt d'un honnête artisanat. C'est vrai. C'est vrai. 070 233 622, on vous attend donc demain à partir de 19h sur ce thème de la forêt, comment la respecter, comment la fréquenter et comment éviter les collisions parfois dramatiques entre différents utilisateurs de la forêt. Alex Klimov, Laurent Lacroix, Jacques de Pierrepont, voilà, j'ai oublié ton nom. Je vous retrouve à 23h pour le Rock Show. Salut.